Bonjour chers amis et bienvenue à French Pod. Je suis Amaury. Et je suis Erika. This is the upper intermediate lesson. Donc aujourd'hui, dans cette leçon, nos deux personnages vont débattre d'un sujet hautement intellectuel, la télé-réalité. Un sujet qui nous fascine tous. Et que malheureusement, on rencontre dans tous les pays. Maintenant, on va écouter une discussion qui est vraiment fréquente partout dans le monde. Exactement, Erika. Donc on est parti, on écoute ce dialogue. Tu as vu la nouvelle émission de télé-réalité qui a été lancée hier ? Encore une autre ? Oui, mais attention, c'est un nouveau concept. Cette fois, tous les participants ont un secret et le but du jeu est de le garder le plus longtemps possible. Ça m'a l'air passionnant, dis-moi. Mais qui va bien vouloir regarder ces inconnus manger, se réveiller et tourner en rond dans une maison pendant des heures ? Love Story était un vrai flop. Love Story n'a pas marché, mais Star Academy remporte beaucoup de succès il y a déjà plus de 8 saisons. Déjà ? C'est fou ! Le pire dans tout ça, c'est que les participants à ce genre d'émission deviennent des célébrités, font la une des journaux et s'imaginent qu'ils sont réellement des stars. Et ils se comportent comme des stars. Ils sont suivis par les paparazzi, racontent leur vie dans les moindres détails aux journaux à scandale. Tiens, ça me fait penser à l'autre là, qui est venu verser toutes les larmes de son corps la semaine dernière à la télévision. Qui ça ? Mais si, tu sais, le mec qui a tenu une conférence de presse spécialement pour démentir la rumeur selon laquelle il sortait avec Lauriane. C'était d'un ridicule. Et puis surtout, on s'en moque. Elle a quand même battu des records d'audience. Apparemment, plus de 8 millions de Français ne s'en moquent pas et le petit écran pullule de ce genre de programme. Mais comment t'es au courant de tout ça, toi, d'ailleurs ? Tu lis la presse People ou quoi ? Moi ? Non. Par contre, une de mes collègues lit la presse People et c'est elle qui me raconte tout ça. Et donc nous voici de retour. Oui. Bon alors tu crois vraiment qu'il suit les émissions ou... Oui. Ouais. Donc il est en train de mentir. Oui, c'est évident, il connaît un peu trop de détails. Ouais. Et en plus c'est lui qui lance le débat. Oui. Donc il a envie d'en parler un peu. Oui, alors il demande si elle a vu la nouvelle émission de télé-réalité qui a été lancée hier. Voilà, donc lancer, c'est le verbe qu'on utilise. Quand ça commence. Voilà, quand il y a un nouveau programme qui commence. Oui, alors ça, c'est employé pour les émissions de la télé. Oui. Et aussi les sites internet. Un nouveau site a été lancé hier. Par exemple. Et elle répond encore une autre. Mais cette fois... Cette fois, il y a quelque chose de différent. Oui, c'est un nouveau concept. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette fois ? En fait, les participants ont chacun leur secret et ils doivent le garder. Il ne faut pas le partager avec les autres. Super. Ouais. Et donc ça, c'est le but du jeu. Moi, j'ai les mêmes sentiments, Cal. Ah ouais, ça m'a l'air passionnant, dis-moi. Okay, premièrement, c'est sarcastique, non ? Tout à fait. Ah ouais, ça m'a l'air passionnant. Et elle ajoute « dis-moi ». Donc c'est pour montrer un intérêt, mais un intérêt un peu moqueur. Mmh, oui, elle n'attend pas vraiment de réponse. It's like rhetorical. Ce que j'aime beaucoup avec dans ce dialogue, c'est vraiment pratique en fait. Parce que j'ai entendu dire en anglais aussi ces mêmes phrases tous les jours. Ah ouais. Mais dis-moi, qui va bien vouloir regarder ces inconnus ? Ouais. Manger, se réveiller. Et puis aussi, qu'est-ce qu'elle a dit ? Et tourner en rond. Ok. Donc voilà, tourner en rond, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur temps. Ok, tourner en rond. Par exemple, je dirais bien à la personne qui écrit les dialogues ici, mais ça fait 3 heures que tu es enfermé dans cette pièce, tu n'as toujours rien écrit, tu es en train de tourner en rond. Tu perds ton temps, il n'y a rien qui avance. Alors laisse tomber, essaye plus tard. Ok. Et puis elle parle de Loft Story. En fait, on va en parler plus tard de cette émission. D'accord. Mais elle dit que c'était un vrai flop. Le même mot en anglais, flop. Ben oui, on l'utilise en français aussi pour dire que ça n'a pas marché. Et oui, mais Star Academy, l'autre, et on va en parler plus tard aussi. Ça a remporté beaucoup de succès. Alors, remporter du succès et avoir du succès, c'est pareil ? Oui, c'est la même chose. Ok, parce qu'il y a déjà plus de 8 saisons. Et oui, le temps passe vite. C'est fou, mais le pire dans tout ça, c'est quoi ? C'est que les participants à ce genre d'émission deviennent des célébrités. Donc ça, ça la dérange. Puisqu'on dit participer à quelque chose, même si on parle des participants, les participants à quelque chose. Oui. À ce genre d'émission. Voilà. Donc quand on a le substantif, là, il reprend le « à » aussi. Ok. Et puis... Ils font la une. Se faire la une. Voilà, encore une expression. Ah. Mmh. Donc ça veut dire on est en première page. Des journaux. On peut dire aussi faire la une de l'actualité. Ouais. So, si il a fait la une hier, ça veut dire que tous les journaux, tous les infos, on parlait de lui en premier hier. Tu crois qu'on va faire la une un jour? Moi? Toi, oui. J'ai dit nous, mais bon, toi peut-être. New French Pod? Oui, on va faire la une des journaux un jour. Je sais pas, Marie. Si on faisait la une, ouais. Ce serait parce qu'on a fait quelque chose de mauvais, j'imagine. Alors j'espère que non. Peut-être on serait content avec, par exemple, le cinquième page. La cinquième page. Oui. Ok. Et ils s'imaginent qu'ils sont réellement des stars. Mais on les traite comme des stars, non? Ben ouais, c'est leur réaction normale puisqu'ils ont toute l'attention du public et des journalistes. Oui. Donc voilà, ils s'imaginent qu'ils sont des stars. Alors oui, on peut comprendre leur réaction. Ouais, alors que c'est la faute du public. Hein. Elle ne comprend pas parce qu'elle dit « Eh, ils se comportent comme des stars ». Ils sont suivis par les paparazzi. Et ils racontent leur vie dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Donc encore une petite expression. Oui. Pour dire simplement qu'ils expliquent tout de leur vie. À qui? Aux journaux à scandale. Journaux à scandale. Tabloids, right? Ouais, c'est ça en fait. Ok. N'espérez pas avoir une rubrique politique dans les journaux à scandale. Alors ça lui fait penser à l'autre personne là. Voilà, il se rappelle d'un ancien concurrent. Qui, évidemment, était à la télévision. Oui, il a participé sûrement à une émission. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu verser toutes les larmes de son corps à la télévision la semaine dernière lors d'un programme télé. Alors, verser toutes les larmes de son corps. Oui. C'est like an idiom, right? Tout à fait. Alors, si on dit ça, on se moque de la personne. En fait, ça dépend aussi de la façon dont on le dit, tu vois. OK. Comme là, elle a dit, il a versé toutes les larmes de son corps. Mm. On se rend bien compte qu'il n'était pas honnête, comme tu dis. Oui, on n'était pas vraiment convaincu. Mais bon, après, on peut dire, il a vraiment versé toutes les larmes de son corps, et là, c'est honnête. OK. So... Elle ne connaît pas la personne dont il parle. Elle dit, mais si, tu sais... Le mec qui a tenu une conférence de presse. Ok, attends. Tenir une conférence de presse, c'est ça? Oui. Ok. Pour quelle raison? Pour démentir la rumeur selon laquelle il sortait avec Lauriane. C'était un ridicule. Parfaite expression ici. Mmh. Est-ce oui. qu'il y a une différence entre c'était ridicule et c'était un ridicule? Non, ça veut dire la même chose. Ok. Et ce qui est marrant ici, non. malgré le ridicule, oui. c'est que l'émission a battu des records d'audience. Il a battu des records d'audience. Et puis, a dit et le petit écran. En fait, le petit écran, c'est un synonyme de la télévision. Ok. Le petit écran pullule de ce genre de programme. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire, pulluler de? Pulluler de, ça veut dire qu'il est plein d'eux. So, elle dit. Comment tu es au courant de tout ça, toi? Elle dit « toi, d'ailleurs ». Oui, elle ajoute même « d'ailleurs ». Ok. Et qu'est-ce que ça signifie, ça, si on le dit comme ça? Parce que normalement, ce n'est pas ton caractère. Ok. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui se comporte comme ça. Oui. Et donc, elle essaye de trouver une raison. Elle dit « mais tu lis la presse People ou quoi ?» Et la presse People, ce sont les magazines dans lesquels on trouve beaucoup de photos, des stars. Voilà. Ce sont un peu comme les journaux à scandale. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Oui. Et évidemment, il a des mots. Non, il ne veut pas avouer. Et nous, on va se réintéresser à ce dialogue et on l'écoute à nouveau. Tu as vu la nouvelle émission de télé-réalité qui a été lancée hier? Encore une autre? Oui, mais attention, c'est un nouveau concept. Cette fois, tous les participants ont un secret et le but du jeu est de le garder le plus longtemps possible. Ça m'a l'air passionnant, dis-moi. Mais qui va bien vouloir regarder ces inconnus manger, se réveiller et tourner en rond dans une maison pendant des heures? Love Story était un vrai flop. Love Story n'a pas marché. Mais Star Academy remporte beaucoup de succès il y a déjà plus de 8 saisons. Déjà? C'est fou! Le pire dans tout ça, c'est que les participants à ce genre d'émission deviennent des célébrités, font la une des journaux et s'imaginent qu'ils sont réellement des stars. Et ils se comportent comme des stars. Ils sont suivis par les paparazzi, racontent leur vie dans les moindres détails aux journaux à scandale. Tiens, ça me fait penser à l'autre là, qui est venu verser toutes les larmes de son corps la semaine dernière à la télévision. Qui ça? Mais si, tu sais le mec qui a tenu une conférence de presse spécialement pour démentir la rumeur selon laquelle il sortait avec Lauriane. C'était d'un ridicule. Et puis surtout, on s'en moque. Elle a quand même battu des records d'audience. Apparemment, plus de 8 millions de Français ne s'en moquent pas et le petit écran pullule de ce genre de programme. Mais comment t'es au courant de tout ça, toi, d'ailleurs? Tu lis la presse People ou quoi? Moi? Non, non. Par contre, une de mes collègues lit la presse People et c'est elle qui me raconte tout ça. Nous revoici à parler de la télé-réalité. Right. And first we're going to do a little something. We had in this dialogue the sentence, they said démentir la rumeur selon laquelle il sortait avec Lauriane. On a cette structure ici. Yeah, the selon laquelle thing. You know, it's difficult to just explain this. Also to understand, the best way to understand is to show you how we arrive to the selon laquelle in the sentence, right? Voilà, donc on a pensé à deux, trois exemples. Yeah, let's give you some other examples with this. Alors on va prendre un exemple qui va être plus facile si on est les personnages. Right, so for example, let's say that I said that you lied. You lied to me about something. Ouais. Let's just say, we would never do that. Never. Let's say you did. And I went and told everybody about it. So now there's a rumor going around. Et selon cette rumeur, Amaury est un menteur. Par conséquent, Amaury veut démentir la rumeur selon laquelle il est un menteur. Okay, let's try one more. There used to be a time that people thought the world was flat. Selon cette théorie, la Terre était plate. Okay, but there were some explorers who didn't believe it. Qui ne croyaient pas à cette théorie, selon laquelle la Terre était plate. Okay, so hopefully that'll help grasp that structure, selon laquelle. Oui. All right. So now let's talk a little bit about la télé-réalité en France. In this dialogue, we talked about Loft Story. Qui était la première émission de télé-réalité. It was a while ago. And it was huge. C'est vrai, la première année, ça a remporté un succès énorme. Yeah, I was in France then. I remember it was on the cover of every... That's all anybody talked about. Tous les événements de cette émission faisaient la une des journaux every day. C'est vrai. Right? C'est vrai qu'on parlait que de ça. Loft Story, by the way. It was like the Big Brother where you had all those people in the apartment. En fait, voilà, on a changé le nom, mais c'était exactement la même chose que Big Brother. And even though it was several years ago, people are still talking about it. So you might hear Loft Story here in France, even though it's from a long time ago, because it symbolizes the whole thing. Voilà, le début, parce que, évidemment, maintenant, il y a encore d'autres émissions qui pullulent à la télé française. Right. For example, the other one they said here, Star Academy. Qui existe encore. So it was like a mix between American Idol and Big Brother. Ouais. It would be like you get to see the they're all in a singing competition, but they also live together and we see what happens to their house too. Ouais. It's the best of both worlds. Right. On va pas toutes les expliquer parce qu'il y en a beaucoup. Yeah. But at the end of the day, it's just as kind of popular in France, these télé-réalité shows, right? Aussi. Et moi, j'ai eu la chance, quand Love Story a commencé, je n'avais pas la télé, okay. Donc je n'ai pas pu regarder. Et depuis, je n'ai jamais accroché. I believe you. Probably secretly watched it. Voilà, donc on a un peu plus approfondi le sujet de la télé-réalité. Oui. Et maintenant, il est temps de vous donner rendez-vous sur le site FrenchPod.com. You can ask us questions, talk about la télé-réalité if you want, start a discussion. We're waiting for you. On se retrouve toujours avec tant d'enthousiasme. Et donc, maintenant, il est temps de vous dire au revoir. Au revoir.